c'était il y a longtemps. Je n'étais qu'une enfant. Je t'envoyais ma liste de cadeaux. Tu vois si j'ai grandi, mon cœur n'a pas vieilli. Voilà pourquoi j'écris ces quelques mots. Emporte-la au ciel, ma liste de Noël, pour que demain se lève. Chaque humain, un ami, du bonheur pour la vie, un amour éternel. Voilà ma liste de Noël. Les beaux jours de l'innocence, il faut y retourner, c'est peut-être. Comme l'humiliant, sans t'y ne faisait rire, chaque très dignes les routes célestes. Devant ces ébats, plus de reine resta Baba. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon. Le pire nous Nez Rouge, rouge comme le mignon. Maintenant qu'il entraîne son chat à travers les cieux, c'est lui le roi des reines. Pour fillettes et garçons, pour la grande nuit, si vous savez bon le sang, dès que sonnera à minuit, ce petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nid de Nez Rouge, annonçant le Père Noël.

Merci beaucoup. Je serai ton seul messie. Oui, ma chérie. Sous le gui, il le voyait endormi, mais sans envie. et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La la la la la la la la la la la la. Gondolier, t'en souviens-tu? Tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi, ma petite folie.

Thank you. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct de Notre-Dame de Paris, l'une des plus belles cathédrales du monde, qui fête ses 850 ans. Dans un instant, les téléspectateurs européens nous rejoindront pour la messe de la nuit de Noël qui sera présidée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII. Mais juste avant, nous vous proposerons un court reportage sur la représentation de la Nativité dans les bas-reliefs du cœur de Notre-Dame. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de Notre-Dame de Paris, l'une des plus belles cathédrales du monde, qui fête ses 850 ans. Dans un instant, les téléspectateurs européens nous rejoindront pour la messe de la nuit de Noël qui sera présidée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII. Mais juste avant, nous vous proposerons un court reportage sur la représentation de la Nativité dans les bas-reliefs du cœur de Notre-Dame.